Voilà, on est en direct du Radioton de CKRL. Je vous rappelle que vous pouvez venir nous visiter ici. On va être avec Émile Proulx-Cloutier. On est avec Émile Proulx-Cloutier. Je vous rappelle notre adresse, 405 3e Avenue. Notre objectif n'est pas encore atteint, bien évidemment. On est là jusqu'à dimanche, 13 462 $, tout le monde. Il faut faire grimper ça, c'est quand même très bien. Bravo, tout le monde! Wouhou! Et vous pouvez toujours faire des dons hein, tout au long de la fin de semaine ou encore... miser sur nos lots d'encan www.ckrl.qc.ca pour le faire. Par PayPal, c'est très facile. Venez nous voir, il fait pas beau. Ben là, je pense que le soleil est sorti, mais en tout cas, venez quand même nous voir. Émile Proulx-Cloutier, bonjour. Bonjour. D'abord, un gros, gros merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Je sais que tu as un horaire très chargé, 3000 occupations. Hier, tu étais en spectacle au Grand Théâtre et ouais. Tu remets ça ce soir. Oui, on remet ce soir. Ouais, ça s'est bien passé? Ça a été une superbe soirée. Mais c'est une salle que j'aime beaucoup, moi, jouer à Octave Crémazie. C'est comme un format parfait. Là. Tu peux accueillir une vraie foule. Il peut y avoir une énergie qui monte en même temps. Tu as l'impression que tu peux toucher tout le monde avec ta main. Il y a quelque chose d'un peu... pour moi, pour ce que je fais, là, ça, puis nous, on est quand même nombreux dans le spectacle. Là. On est 5 sur scène, sauf qu'il y a une vingtaine d'instruments de musique qui entourent le piano. Je joue, là. Fait que moi, je joue avec des multi-instrumentistes. Fait que ça prend de la place. Puis là, ben, on est comme... Alors, Serge Crémazie, on est bien. On peut bien s'installer. On se force pas dedans. Et puis, ben, écoute, c'est une salle qui sonne très bien. Fait que non, c'était une superbe soirée. C'était vraiment le fun. Il y avait des gens ici ce soir. Woo! Ah, mais c'est là. Ben, OK, ben, merci. Commentaire en direct. Suzanne, c'était magique comme soirée. Ah ben, merci beaucoup. Il y a Suzy qui était là. Alors ben, on va en parler de ce spectacle-là. J'avais 3 millions de questions, mais je me suis dit... Ben, commençons par une. On va commencer par la première, avec ton dernier disque, Marée haute, qui est aussi ta tournée de spectacle. Marée haute. Alors, j'ai trouvé d'abord le titre très beau, l'eau, puis quand on écoute les chansons, on se dit, ah, mais c'est un thème qui revient dans chacune des chansons, l'eau... Pourquoi Marée haute? Et est-ce que c'était un thème de départ pour écrire les chansons? Pas en tout. C'est ça qui est un peu drôle. J'étais parti avec une autre idée complètement, qui n'a vraiment pas rapport. Puis finalement, l'autre idée maîtresse, la chanson qui la portait un peu, est finalement tombée au combat. Puis finalement, ça était comme, ben, c'est parti. Puis, moi, je fonctionne d'habitude pas comme ça. Là, j'écris, c'est tellement long pour moi à écrire. C'est un long processus. Oui, ça a été quatre ans d'écriture, là. Pour vrai. Mais ça peut être, là, j'ai vraiment écrit pendant les quatre années. Là. J'ai pas arrêté trois ans, puis je m'y suis remis un moment donné. Là, ça a été quatre ans de travail. Fait que, j'ai pas de thème de départ. J'ai même pas de projet sur le plan stylistique. À chaque fois, si je me dis, ben, j'avance dans qu'est-ce qui jaillit. Puis je me dis, ben, il y aura une cohérence du fait que ça va être un genre de Polaroid de moi. Là, je me dis, ça va ressembler. Fait que, mais c'est après coup, c'est après. Je suis en train de compléter l'écriture des chansons, puis je me suis rendu compte d'un coup, je me suis dit, oh mon Dieu, mais il y a des références à la déferlante, la marée, les courants d'eau, tout ça. Puis j'avais comme, oh mon Dieu, mais c'est là, ça irriguait l'ensemble des chansons. Puis en fait, ce qui a cristallisé le choix du titre, ça a été quand tout d'un coup, j'ai l'idée d'appeler mon ami photographe Charles. Ben, c'est un cinéaste d'abord, Charles-Olivier Michaud, puis il fait aussi des très belles photos. Puis j'ai proposé qu'on aille faire un essai de photo. Qui est devenue finalement la photo de la pochette de l'album. Et là, quand on a réussi à faire ça, ça a fait bon, ben, je pense que, OK, il faut que j'aille à pieds joints. Puis le titre s'est cristallisé à ce moment-là. Oui, parce que pas toutes dans toutes les chansons, mais dans beaucoup de chansons, on retrouve, là, j'ai noté quelques phrases, mais c'est comme ça tout long, ramé jusqu'à ce que le ciel touche la mer. Non, mais c'est beau, ça, quand même. C'est triste en même temps parce que tu te risques de ramer longtemps. Oui, c'est ça. Mon cœur est une roche qui prend l'eau. Ouais. Ça aussi, c'est quand même... C'est pas encore très drôle, mais... Il y a les mots capitaine qui reviennent. Non, c'est ouais, ça. On se bidonne pas quand on écoute ton disque, mais en même temps, par contre, vous pouvez vous le dire, madame, vous avez vu le spectacle, quand même confirmer, les gens rient beaucoup dans le spectacle. Fait qu'il y a quand même une dimension. Je pense que j'ai une aura de comme étant bien songé, là, puis c'est ça. Mais je veux dire, oui, on peut aller dans la profondeur par moment, mais j'aime beaucoup faire rire le monde. Je pense qu'il y a des moments qui sont carrément des récréations là, dans le spectacle, là, qui servent à ça, pour pouvoir retourner plus profond après. Sauf que je dis pas ça pour rassurer les gens, mais je sais qu'à chaque fois, le monde sont surpris, me disant « Je m'attendais pas à rire, je m'attendais pas à rire avec toi. » Alors que pour moi, c'est important que le spectre des émotions soit large. Pareil, j'étais pas là hier, mais... Radio t'oblige, mais tes chansons, tu les mets en contexte, tu en parles, tu leur donnes une vie. Ils ont une vie de toute façon. Ah, mais la mise en contexte, la théâtralité de l'affaire est très importante pour moi. Oui, oui, à temps partiel à côté, je fais ça. Là, dans je, une autre oui, vie. C'est, mais non, mais là, ces idées-là sont déjà présentes au moment même de l'écriture des chansons. Je vois des images dans ma tête, puis je sais que les gens qui vont entendre les chansons aient le plus possible d'images qui leur viennent en tête en écoutant les mots. Et j'aime en spectacle, moi, ce qui se passe entre les chansons, c'est aussi important que les tunes pour moi. C'est vraiment, c'est d'une égale importance. Au même titre que les chorégraphies dans un show de Rihanna, je ne sais pas si c'est pas un mot, mais ce qui se passe entre les tunes, c'est tout aussi travaillé. Non, je dis au même titre que les chorégraphies de Rihanna, moi, ce qui se passe entre les chansons, je le travaille autant. C'est-à-dire que j'aime des fois, et c'est pas expliquer la chanson qui s'en vient, c'est bien différent. T'sais, je vous dis, je vais jamais dire, ben voici une chanson qui parle de ça, puis je l'ai écrite à tel moment pour telle raison, go. T'sais. Moi, en général, j'essaie de faire comme de placer la première image du film. C'est où est-ce qu'on est? Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend? Ou d'où cette personne-là arrive? Et tout à coup, bang, la chanson part, puis il va se passer d'autres choses. Puis j'aime ça faire ça parce que ça me permet aussi de jouer sur les contrastes. C'est-à-dire que, oui, il y a des chansons qui, même sur le plan musical, vont être très, très rythmées, très explosives. Tout d'un coup, créer une brisure et aller dans la berceuse, dans quelque chose qui va être complètement, comment je dirais, que je veux qu'il retienne l'attention des spectateurs, puis qu'on entende une mouche voler. Alors, pour arriver à faire ces brisures-là, ben c'est, les entre-chansons servent beaucoup à ça aussi, à relâcher la pression aussi, puis en même temps, à créer une nouvelle tension pour la prochaine affaire. Je m'amuse beaucoup à les inventer, ces affaires-là, puis en même temps, pour moi, c'est vraiment la plus-value du spectacle, c'est-à-dire que les gens qui aiment ce que je fais, je pense pas qu'ils viennent réentendre l'album sur scène. C'est pas ça qu'ils veulent, je pense. Même, ils ont envie d'en avoir plus. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit... je présente pas toutes les chansons. Il y en a vraiment que je m'amuse aussi à juste... Je la fais. Mais il y a quelqu'un qui s'attendait à avoir une explication pour une chanson en particulier, puis c'en est une que je présente pas. Puis, t'es comme, mais je veux savoir c'est quoi, d'où ça vient. Puis, je découvre aussi, avec le temps, le plaisir de, des fois, certaines chansons ne pas les mettre en contexte, simplement les laisser pour ce qu'elles sont. Elles parlent d'elles-mêmes. Oui, aussi, mais des fois, il y en a qui... Elles existent en dehors de toute explication. Oui, mais j'aime pas ça qu'il y ait une bonne réponse. Puis c'est pas... Peut-être que même moi, la source d'une chanson particulière, que je trouve l'affaire tantôt d'ailleurs, c'est la chanson qui s'appelle « L'enfant scaphandre ». La raison pour laquelle moi je l'ai écrite versus ce qui se passe dans la tête des gens qui l'écoutent, je me suis rendu compte quand les gens m'en parlaient qu'il y avait des variations d'histoire, là, des variations d'interprétation là, drastiques. Puis je me dis, ah ben parfait, moi, la source, je la dirai pas. Parce que chaque interprétation est une bonne réponse. C'est faut pour garder moi. Un mystère. Non, mais c'est même pas un mystère. Non, c'est pas ça. C'est parce que pour moi, il faut préserver ce que ça fait. Pour moi, c'est que à la rigueur, l'histoire qui se passe dans la tête de la personne qui l'écoute est peut-être encore plus vraie que la mienne. Puis je dis, là l'œuvre, ben, l'objet, la chanson, là, d'un coup, ça devient un truc indépendant qui pas qui m'appartient plus, c'est ma toune, mais ce qu'il y a en dessous, c'est comme ça, c'est collectif. C'est ça, chacun y met du sien dedans. Moi, j'aurais envie de te dire, puis je pense que tout le monde ici a envie de t'écouter une première toune. Je vais faire celle-là, tiens okay, en vous expliquant pas du tout de quoi ça parle. Voilà. OK, on essaiera de deviner, OK, gang? Alors, je vous rappelle qu'on est au Radioton, Émile Proulx-Cloutier qui est avec nous, qui s'installe au piano pour l'enfant scaphandre, un thème d'ailleurs qui était très cher. Émile, on t'écoute. J'aimerais ça être votre ami, mais je sais pas comment on fait pour entrer dans vos vies pour de vrai. J'aimerais ça être votre ami, mais j'ai trop peur de me fendre. Je suis l'enfant scaphandre. J'aimerais ça être votre ami, mais je sais pas comment ça marche pour être admis à bord de votre arche. J'aimerais ça être votre ami, mais je sais pas comment me vendre. Je suis l'enfant scaphandre. Vous êtes libre et grand dans la lumière. Vous trouverez mes trésors très ordinaires. Entendrez-vous ma voix qui se brise dans ma visière? J'aimerais ça être votre ami pour gravir les mêmes falaises, prête à vivre des silences sans malaise. J'aimerais ça être votre ami pour graver des choses vraies, mais j'écris sous la pluie à la craie. Je ne sais pas être votre ami, et je n'ai plus qu'à me rendre au pays des enfants scaphandres. Faut passer entre le vent et la poussière, ramer jusqu'à ce que le ciel touche à la mer. Là-bas, paraît qu'on peut s'ouvrir sans manquer d'air. Je te poserai pas, je te demanderai pas si c'est toi l'enfant qui dit j'aimerais ça être votre ami, mais moi ça me fait, j'ai tellement dit cette question. Hey gang, je peux-tu être votre ami? c'est l'enfance, c'est un thème qui revient aussi beaucoup. Là, on parlait de l'eau, mais l'enfance ça revient beaucoup. Tu dois te faire poser la question parce que c'est très présent. C'est pas si c'est ton enfance ou si c'est l'enfance en général, parce que c'est un beau sujet l'enfance, hein, c'est la découverte, c'est aussi l'émerveillement, mais ça peut être aussi la méchanceté. Ça ouvre beaucoup de portes d'écrire. Oui, c'est un lieu de grande cruauté ou de grand vertige aussi. Moi, j'ai pas un rapport cute à l'enfance. Ouais. Là, puis même si ça des fois, si je frôle le cute, je rebondis vite, puis ça s'en va ailleurs après ça. Et pourtant, il y a aussi beaucoup des personnages, des chansons qui sont des êtres abîmés, vieillissants. C'est la vastitude du spectre, moi, qui m'intéresse. Puis c'est que c'est un lieu où, tu sais... Tu sais, j'ai déjà remarqué comment on peut devenir un peu fragile quand on montre une photo de nous-mêmes enfants à quelqu'un. Tu sais, quand on se dit, des photos d'école de troisième année, que d'un coup, on a des looks qui se peuvent pas, puis que d'un coup, c'est un espace de grande vulnérabilité. Donc, il y a en même temps de grande puissance. Fait que c'est comme si je sais, moi, de retourner là, c'est aussi d'admettre, d'admettre des grandes failles, d'admettre quelque chose c'est pas quelque chose qu'on quitte, c'est quelque chose qu'on cache, l'enfance. J'ai quitté l'enfance. Non, j'ai réussi à la cacher mieux pour affronter la vie. Des fois, on peut vouloir la préserver. Oui, mais tu sais, quelque part, des fois, on n'y a même plus accès nous-mêmes parce qu'on l'a trop caché. Sauf que je me dis, on peut tous y retourner demain matin. Puis des fois, même quand les gens, tu sais, quand quelqu'un dort, quand tous les muscles du visage se relâchent, on dirait des fois qu'on a l'impression que l'enfant est là tout à coup. Là. C'est comme si on a l'impression que. Même un adulte qui dort, tout d'un coup, il y a une fragilité d'enfant dans son expression, les yeux fermés. Là. Alors moi, des fois, c'est là que je veux retourner. Pas faire dormir le monde, c'est ça que je veux dire. Mais quand même, je peux pas m'empêcher de penser que tu as grandi avec ta mère qui était cornemuse aussi quand même. T'as grandi avec cornemuse. Oui, mais elle n'était pas à ce moment-là. Elle t'étais pas... Oui, mais c'est aussi Henriette dans Une T9. Là. Elle est capable de tout, là, ma mère. Oui, c'est là. Ça. Non, mais vous, oui, quand elle a commencé à faire cornemuse, moi, j'étais ado. Tu étais ado. Alors, ouais, moi, c'est, en fait, moi, c'est drôle quand... tu sais, c'est un travail, là. C'est une très, très bonne, une très grande comédienne, ma mère. Là. Donc, moi, quand je la vois faire ça, je la vois travailler. Pour moi, cornemuse, ça a été ma mère qui des fois, en faisant la cuisine, apprenait des comptines qu'elle devait performer le lendemain. Là, puis des fois, c'est des nouvelles tunes. Puis là, des fois, c'est une tune par jour qu'il faut que tu apprennes en cuisinant. Puis là, elle les aimait, les chansons, mais tu sais, elle était en train de faire un riz, là, basmati, en chantant des espèces de comptines sur les nuages. Puis là, il fallait une chorégraphie à faire avec des bâtons. Puis tu sais, fait que je me dis, fait que moi, je dis, ce métier-là, oui, c'est un métier qui peut avoir sa part de magie, mais c'est un métier de travail et de rigueur. Moi, c'était ça la grande leçon. Ton père, c'est que aussi, Raymond Cloutier, on l'imagine comme quelqu'un de très rigoureux dans le travail. Bien sûr, mais les deux, c'est des artisans dans leur profession. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec leurs mains, mais oui, en fait. C'est que c'est pas... Ils disent pas, ben moi, vous savez, j'ai 30 ans de métier, donc 40 ans, alors je vais être bon là-dedans. Non, à chaque fois, c'est quelque chose que t'as pas fait. Pis c'est quand même ça qui t'a donné. T'as quand même été à l'école de théâtre. Finalement, oui. Sauf que je pense que moi, j'ai pas grandi dans le rêve et dans la magie. J'ai grandi dans le c'est un métier ardu, avec des lendemains parfois plates, puis parfois des déceptions, et en même temps des moments de grand bonheur, puis en même temps beaucoup de sueur. Fait que moi, c'est ça que j'ai vu, au même titre que, tu sais, si tu peux même rêver comme enfant d'être pompier, mais tu sais, son vrai père, il est vraiment pompier, là, tu sais que tout le côté pas reluisant ou difficile ou troublant ou élevé de cette profession-là, ben c'est la même chose pour moi, là. Alors, ça a été une bénédiction quelque part, parce que c'est comme si ça m'a vite... J'étais obligé d'aborder ce métier-là avec les deux pieds sur terre. Là, tu as d'abord commencé par vouloir être comédien, auteur-compositeur. Mon Dieu, il faut retourner dans l'enfance. Là, mais qu'est-ce que j'ai fait en premier? Là, j'ai fait faire un faux théâtre dans ma chambre avec des rideaux ou m'inventer un faux groupe de musique. Je ne sais pas, là, mais... ça a toujours été, la musique a toujours été là. À un moment donné, je voulais être chef d'orchestre, à un moment donné, je voulais être réalisateur de films, mais en même temps la notion de réussite a tout le temps été là. Fait que ça a tout le temps été un grand combo, là. Puis longtemps, j'ai gardé la musique dans le jardin secret, je dirais, c'est comme si je la montrais pas. À un moment donné, j'ai dû m'admettre à moi-même que ah ben non, il va falloir que je fasse quelque chose avec ça. T'sais. Mais c'est arrivé sur le tard dans ma vie, le fait que je m'admette que je pouvais aller montrer mes chansons. T'sais, la première fois que j'ai montré mes chansons à un public, j'avais 28 ans, là, alors qu'il y en a, ils commencent ça à 15 ans, à aller chanter leur première tune. Moi, non. À Petite Vallée, quand je vais là, j'ai 28 ans et demi, puis je suis entouré de kids, puis c'est vraiment... Puis je recommence quelque chose de nouveau. Puis en même temps, les gens dans le public à Petite-Vallée, ils me connaissaient de la télé, tout ça, mais ça peut être à double tranchant, ça. Parce que tu passes une semaine, là. Fait que si on trouvait ton premier concert plate, là, et ça peut être le festival du malaise, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Mais ça a été vraiment. Moi, quand il est venu le temps de faire de la musique, ça fait bien, je vais recommencer. Je vais aller là où, quand le monde commence, tu sais, comme quand tu pars une nouvelle carrière. C'est comme si je retourne aux études un petit peu. C'est ça. Émile, avant d'aller aux publicités et à la sollicitation, est-ce que tu as le goût de nous en faire une autre? Oui. Petite valise, peut-être? D'accord. Go, ben, on y va. Non, je propose. Mais là, vous l'avez dit, on y va. Je vais pas m'ostiner. Moi, je veux pas me mettre à te mentir pour respirer. J'ai toujours gardé le fort où la colère dort, les poings fermés. Jamais frôler la mort, toujours frôler la vie, l'air de rien. Et sous le lit, la petite valise, toujours faite, toujours prête pour s'enfuir. Enfin. J'ai 538 amis, pas d'eux que j'oserais appeler à mon secours. Des milliers de mots dans tête, pas d'eux qui donnent des ailes à l'amour. tout pour plaire à tous, toujours le cœur sur la main, pleine de pouces. Et sous le lit, la petite valise, toujours faite, toujours prête pour s'enfuir en douce. L'amour qui me joue dans le cœur ressemble pas à ce qu'on nous joue à la radio. C'est-tu moi qui fais tout croche si mon cœur est une roche qui prend l'eau? C'est-tu moi qui a pas compris si j'ai tout bâti mon nid sur une bombe? Et sous le lit, la petite valise, toujours faite, toujours prête pour s'enfuir. En trompe. Réveiller, découdre ton cou à coups de baiser, découdre ton cou à coups de baiser, et il y aura la petite valise toujours faite, toujours prête pour s'enfuir. Oui, aura la petite valise, toujours faite, toujours prête pour s'enfuir. Ensemble. Bravo, c'est Mille Proux Cloutier. On fait une petite pause, on vous revient tout de suite après pour la deuxième partie de l'entrevue. En direct au Radioton de CKRL, Radioton 2018. Je vous invite à venir nous rencontrer. On est en compagnie d'Émile Proux-Cloutier. Il y a Philippe Brac qui s'en vient dans quelques minutes. Ouh! Soyez généreux, faites un don. C'est pour la station de radio CKRL, vous le savez. Venez nous voir aussi. Donc, Émile Proux-Cloutier, on poursuit ce deuxième bloc d'entrevue. On va parler du côté engagé, Émile Proux-Cloutier, parce que tu es très engagé. Là, je pense à la chanson « Maman, mais pas que ». Il y a la chanson « Mondo » aussi qui parle des ouvriers. C'est quelque chose qui... Ton implication sociale, c'est quelque chose qui fait partie de ton œuvre ou ça va de Mon pair? Mon Dieu, c'est une question difficile parce que je suis tout le temps gêné quand on me demande ça comme ça parce que il y a une dimension de... J'appellerais ça des préoccupations ou des inquiétudes, tu sais, collectives ou qui finissent par aboutir dans les chansons. Mais le mot implication, le mot engagement, je le trouve gros, puis je le trouve un peu galvaudé aujourd'hui. Puis je trouve que, tu sais, dès qu'un artiste soulève un peu une question un peu collective dans une chanson ou dans une œuvre, peu importe, on va lui tamper l'étiquette. Ah, lui est engagé dans son front, là. Mais, tu sais, ça reste quand même... une inquiétude citoyenne qui transparaît dans ce que tu fais. Puis il y a du monde dans la vie qui se lève tous les jours, puis que c'est des gens qui ont une vie engagés, puis qui ont une vie absolument impliquée, autant dans leur travail que dans ce qu'ils font, dans ce dans quoi ils s'impliquent, là, que je pense aux travailleurs sociaux, que je pense aux profs, tout ça. Je me dis, ce monde-là, faut pas juste faire ça pour les deux mois de vacances quand t'es prof ou pour je sais pas quoi. Là, je veux dire, il y a un moment donné, pour choisir d'être travailleur social aujourd'hui, là, faut que tu aies une âme là, plus grande vocation. Que nature. T'sais. Voilà, c'est exactement ce mot-là. Puis je me dis, moi, je... Pour moi, les gens engagés, là, c'est ce monde-là. Là, il y a quelque chose qui ça dépasse là, de fois mille là, ce que moi, je peux faire avec une toune. Moi, ce que je veux faire avec les chansons, c'est de donner de l'énergie à ce monde-là. T'sais, je veux être capable que ce soir, ils rentrent chez eux, parce que si d'écouter ça, ça leur redonne un petit élan, un peu d'aplomb, puis une petite caresse au cœur. Oui, tu sais. Puis moi, j'aime pouvoir... passer de préoccupations individuelles à des préoccupations collectives, à des affirmations ou à des au contraire des gros doutes, des coups de gueule ou des coups de cœur à l'intérieur d'une même chanson. Puis j'ai des poètes comme quelqu'un comme Gaston Miron par exemple, on va dire qu'il était engagé, mais il arrivait dans une même envolée dans un poème à parler de l'indépendance du Québec, de notre territoire, de son amour de la langue et du corps d'une femme et en même temps de son corps vieillissant, d'un seul coup, d'un seul souffle. Alors tout, c'est pas compartimenté. Ah, ça c'est social, ça c'est pas social, ça c'est émotif. Puis moi j'aborde pas ça comme ça. J'aime même quand il y a quelque chose d'un peu, comme tu vas dire, engagé dans un texte. Je veux qu'il soit aussi charnel, puis avec toutes sortes de dimensions, puis des zones d'ombre, tout ça, c'est ça qui est. Alors que si je devais écrire un éditorial ou un tract, ben j'utiliserais pas ces mots-là. Ben, je pense à la chanson « Maman » qui parle de la difficulté de la transmission de la langue autochtone. Ouais. Quand même, tu as mis le doigt sur quelque chose. Là. Ça vient d'où? C'est quoi l'histoire de cette chanson-là? En fait, moi, j'ai travaillé comme formateur pendant deux, trois étés avec le Wapikoni Mobile. Je ne sais pas si vous connaissez l'initiative. Là, c'est une roulotte qui est tout équipée en cinéma, en équipement vidéo puis musique pour aller... donner des ateliers dans les communautés autochtones. Fait que moi, c'est plus de 10 ans que j'ai fait ça. Ça avait été un choc, tout ça. C'est le tiers-monde dans le Québec, là, par moment, où je suis allé. Et il y avait une année, un des jeunes qui suivait les ateliers avec nous, il avait fait un film très court qui s'appelle L'Amendement. Écoute, c'était juste 4 portraits de gens d'une même famille partant de l'arrière-grand-mère jusqu'à la petite-fille. En disant quelle langue chacun parle. Donc, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, je veux dire, ne parle que l'algonquin. Sa fille parle algonquin français. La fille de cette femme-là comprend l'algonquin, mais ne parle que le français. Et la petite fille ne parle que le français et ne comprend pas l'algonquin. Et il cible là-dedans là, à quel moment il y a eu la loi sur les pensionnats là, pour être capable de sortir l'Indien de l'enfant. Là. C'était vraiment ça le projet. Alors, on parle d'un génocide culturel. Puis, quand il a fait ce film-là, le film dure 4 minutes, mais il est sur le site de l'ONF, ça s'appelle L'Amendement de Kevin Papati. Allez voir ça, ça dure, c'est implacable. Et moi, en écoutant ça, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est drôle, on dirait vraiment la chanson de Mommy Daddy qu'a popularisée Pauline Julien, écrite par Marc Gélina et Gilles Richer, qui là parlait de la crainte de la disparition de la langue française au Québec, hein, en s'imaginant dans un futur proche, on dirait, OK, ben. Peut-être qu'à un moment donné, si les enfants ne parlent plus français, les générations ne pourront plus se parler, puis à un moment donné, ça va être perdu. Puis je vais dire que ça, c'est comme une dystopie, c'est comme de la science-fiction, si on n'agit pas, ça va se passer. Moi, je suis très, très préoccupé par cet enjeu-là. Mais en même temps, quand je regardais ce qui se passait à Kitchissakik, au moment où le petit film dont je vous parle a été fait, je me dis, mais on dirait que là, c'est ça. C'est exactement ce que la chanson Mommy Daddy décrit. Mais là, on est dans le présent. C'est en train de se passer sous nos yeux aujourd'hui, cet après-midi. Et là, ça a fait OK, mais mon Dieu, il faudrait quasiment réécrire la toune. Mais tu sais, tu dis ça. Mommy Daddy, c'est un des plus grands classiques de la chanson québécoise. On le chante en même temps. C'est ça. Pour moi, c'est une des 10 plus grandes chansons de l'histoire du Québec. Fait que, tu sais, je veux dire, voir quand l'idée vient de. Ben, on pourrait réécrire le texte pour l'adapter à la réalité des Premières Nations. Réécrire le texte d'un classique, tu fais pas ça. C'est un mauvais pitch. Et pourtant. Mais finalement, je l'ai fait pareil. C'est Manon Barbeau qui est la mère de ma blonde et qui a également fondé le Wapikoni Mobile qui m'a dit non, mais tu devrais le faire. Essaye, fais-le. Ça peut être potentiellement très beau. À ce moment-là, est-ce que Marc Gélinas vivait encore? Non. Puis moi, bon, j'ai passé plusieurs mois à écrire le texte. Puis, mais avant d'aller chanter ça en public pour une première fois, j'ai contacté la veuve de Marc Gélinas qui a les droits de ses chansons. Puis je suis allé chez elle lui chanter la chanson. Puis je lui ai dit, bon, voici ce que je veux faire avec. C'est pas en opposition à la chanson originale. Au contraire, c'est un relais. Puis c'est un pont pour moi des allochtones vers les autochtones pour dire, ben OK, si on peut se comprendre à travers une même tune, si une même mélodie peut nous faire brailler pour des raisons communes, ben peut-être qu'on peut aller quelque part ensemble. C'est ma position par rapport à cette chanson-là. Puis j'ai essayé de préserver le caractère un peu enfantin qu'il y avait dans la chanson originale. C'est-à-dire que c'est une enfant qui parle avec des mots d'enfant, elle pose des questions un peu naïves. Puis là, j'ai essayé de transposer ça à la réalité autochtone. Donc là, la chanson n'est plus en anglais, elle est rendue en français. Et c'est des questions, c'est tout un dialogue en français, mais il y a quelques mots en algonquin et en inou qu'on entend. Et pour moi, la vraie caution sur la valeur de la chanson est venue lorsque je l'ai pu la chanter dans un événement où il y avait Natacha Canapé-Fontaine qui était présente. Et puis, le fait qu'elle soit touchée puis qu'elle aime ça, moi, ça a fait j'ai le droit de chanter ça, j'ai le droit d'en discuter ça. Parce que, tu sais, c'est pas ma guerre, c'est pas mon drame. Là. Puis en même temps, quand quelqu'un qui le vit pour vrai vient dire oui, OK, tu l'as fait de la bonne façon, puis c'est bien. Puis je l'ai invité à chanter avec moi sur le disque. Fait qu'elle, on l'entend murmurer par-dessus la chanson. Puis à la fin, il y a un chant en inou sur le disque qui est un chant qu'elle a composé, puis qui est dans sa langue à elle, puis qui retentit très fort. Puis je me dis, peut-être, ça se peut que si on prend des mesures concrètes maintenant, que la transmission de la langue dans certaines communautés ne se puisse se perdurer. Et Natacha est en train de réapprendre l'inou pour transmettre cette langue-là aux enfants qu'elle aura un jour. Donc je me dis, OK, ben, s'il y en a assez qui retrouvent ce goût-là, c'est peut-être possible. T'sais. Oui, puis on n'a pas l'impression non plus que c'est un peuple qui s'écrase non plus, là, il y a de la lumière au bout du tunnel, peut-on oui, dire. Oui, mais il faut l'entretenir, il faut changer les batteries de la lumière souvent. C'est-à-dire que c'est pas... Il ne faut pas être naïf non plus, là, puis mais là-dessus, j'aimerais mieux que ce soit elle ou quelqu'un un autochtone qui vient en parler de ça. Là, je veux pas parler à leur place, mais moi, cette chanson-là, c'était ma petite contribution. Puis ce que j'aime, c'est que, évidemment, que dans la salle, moi, c'est majoritairement des gens qui sont pas des Premières Nations qui viennent voir mes shows. Là, puis, donc, moi, c'est une façon d'utiliser une mélodie qu'ils connaissent pour leur parler d'un enjeu qu'ils connaissent peut-être pas beaucoup. Oui. Émile, bon, on ne pourra pas l'écouter parce qu'elle est très orchestrale, et puis il y a Natacha qui n'est pas là, mais on pourrait peut-être écouter une autre pièce, si tu veux, qui s'appelle « Les murs et la mer ». Ah, bien, Suzanne avait de bien... celle-là, oui, effectivement. Mais celle-là aussi est très orchestrale. Oui. Il y a vraiment toute une batterie de stock sur le disque. Mais je me suis dit, tiens, c'est drôle, souvent... C'est une chanson où, mettons, où les musiciens et moi, on monte le volume fort là, quand on la fait. Puis ça peut arriver des fois, peut-être qu'il y a un mot ou deux qui se perd. Alors là, je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être la faire, mais avec rien du tout. C'est-à-dire que ça veut voir qu'est-ce qu'on a fait, si elle est complètement dépouillée, puis à cappella. Peut-être que les mots vont retentir autrement. T'as-tu le goût de l'essayer? Si tu m'avais dit on l'essaye ensemble, je t'aurais dit pour vrai. T'aimes les défis, t'aimes le danger. Vous allez comprendre. Ouais, ben la parole se blinde à coups de mots trop propres. Le poème meurt dans les miaulements de la chanteuse pop. Ils ont mis des silencieux sur toutes, même le cœur se tait. Tout le monde parle des vraies affaires, mais qui donc nous parle vrai? Dans son grand bruit blanc, ma belle province étanche cherche avidement sa voix sur les écrans du dimanche. Et chacun prend la pause dans sa petite épopée, on serait peut-être quelque chose comme un grand peuple éclopé. Tellement trop de salive à se dire qu'on vaut pas la peine, moi ma langue vive piaf dans ma bouche pleine. J'ai soif sous le sourire cordialement vôtre, oui, soif, soif, soif d'une mémoire à marée haute. T'auras beau tout faire pour plaire, t'auras beau toujours checker qu'est-ce que t'as l'air, mon frère, les murs gagnent jamais contre la mer. L'opium du peuple, c'est l'opinion toute crue, épidémie de vide qui bloque la vue, laissant l'essentiel se frapper contre un mur de mots. Les pros du parlage font leur show, ces cadavres encore chauds. Oh, le cœur, j'en perds des raisons d'espérer, juste le goût de me taire et de me terrer, au lieu de rajouter du bruit par-dessus tout le bruit dans l'espoir que cesse la grande anesthésie. Oh, figé, figé dans un curieux carnaval, carrousel foqué où toutes les nouvelles se valent. On se coupe nos élans à coups de débat au vinaigre, t'as coup au jour de l'an ton mononcle capturait des nègres. Zoom out, un rivage de l'autre bord du monde, des hommes et des femmes courent sous un ciel qui tombe, pendant qu'ici, je pioche à pas faire de faute, eux autres, au nom de la vie, défient la mort à marée haute. T'auras beau t'en faire à croire, t'auras beau t'enfermer dans tes frontières, mon frère, les murs gagnent jamais contre la mer. Un graffiti me demande, êtes-vous vivant? J'ai pas su quoi répondre, j'ai voulu fesser dedans. La haine que tu traînes, c'est elle qui te nie, elle t'ameute et te mène à ta lente agonie. Mais l'entends-tu, la source entre tes os, là où les nouveaux rêves émergent et crèvent leurs os, là où les voix anciennes reprennent leur pleine ampleur, où est ta folle beauté frais dans ton fjord intérieur? Dans nos mains, dans nos veines, dans nos verves à bois, l'envie d'ouvrir les valves sans que le cœur se broie, l'envie d'ouvrir les bras sans jamais s'empêcher de dire et d'hurler, le dur désir de durer. Moi j'ai soif, tel un gamin fou qui saute à pieds joints dans les vagues d'un amour à marée haute. Au bout de quelques soupirs ou quelques millénaires, mon frère, les murs gagnent jamais contre la mer. Ça fait plusieurs spectacles qu'on fait où là, c'est un moment où la batterie joue fort, puis le trombone joue fort, puis il y a des violons, puis du piano, puis tout, puis il y a des chœurs, puis des padans, puis vous avez comme... Hop, ça fait du bien aussi de le faire de façon marche. Dépouillée. C'est même plus un petit vertige. Toutes les mots. Les chansons, je te dirais, j'ai l'impression que c'est des longs poèmes, très, très imagés, très beaux, et elles existent en dehors de la musique. Mais forcément que la musique aussi, elle est composée avec... Elle en rajoute beaucoup. Il y a des silences, il y a des moments, il y a des montées. Des envolées, mais oui. Des envolées. Bon, est-ce que tu viens... comment t'écris? Tu t'écris ta poésie? La locomotive est beaucoup dans le texte, mais je dirais que de plus en plus, surtout en écrivant cet album-là, je me dis, OK, j'ai envie qu'il y ait des moments où ce soit juste la musique qui raconte. Ouais. Qu'il y ait des moments où, tu sais, il va aussi m'arriver de m'asseoir, de pianoter, puis d'avoir des passages musicaux, des progressions harmoniques ou des bouts de mélodie. Je me dis, je sais pas où ça va aller, je sais pas où ça va aboutir. Je l'enregistre comme ça, même sur mon téléphone, juste pour avoir une mémoire de ça. Puis des fois où je vais venir greffer une envolée musicale comme ça au milieu d'une chanson en me disant, ben ça, c'est pas, je reprends pas un thème qu'on a entendu avant, c'est un moment en soi qui est juste là pour être un déploiement de musique. Puis je voulais que l'orchestrateur et réalisateur de l'album, Guido Del Fabbro, je voulais qu'il puisse prendre son pied, ou c'est-à-dire qu'il y a des moments où, OK, là, il y a de l'air, là, puis là, il peut faire décoller plusieurs instruments en même temps, mais si je donne pas la place ou s'il n'y a pas la progression harmonique pour le faire, ben il y aura beau rajouter des couches d'instruments, ça va pas décoller. Alors, ça, cette fois-ci, j'ai fait plus d'air, disons, à travers les chansons, mais je dirais que ce qui vient d'abord, c'est vraiment des images, un rythme et des couleurs. Puis c'est comme si plus ça avance, plus je trouve... qu'est-ce que ça peut devenir mélodiquement. Mais j'envie les chanteurs là, qui ont comme des... T'as du monde là, qui, on dirait, qui pondent des mélodies là, comme, pff, comme ça. Là, on dirait que ça leur sort de partout. Un jour, peut-être que ce muscle sera réveillé davantage. Ouais. Mais moi, il y a des éléments très mélodiques sur le disque, mais pour moi, il faut que je pioche pour qu'ils sortent. Ouais. Oui, ben ça a l'air d'être un processus, je dirais pas dans la souffrance, l'écriture. Mais, non, mais tu sais, il y a des auteurs qui écrivent dans la souffrance, c'est peut-être pas ça, mais tu disais que c'était long. Alors, c'est un processus qui est dans la réflexion. Là, tu vas pas t'installer devant une page blanche puis la remplir en ça une peut arriver que je fasse ça, mais je vais repasser dessus 47 fois. C'est-à-dire que, comme j'ai déjà dit, j'envie les gens qui disent « Hey, j'ai écrit une toune hier. » Tu sais, ça, mettons, ça me fascine. Mais je les crois, puis des fois, ça va être bon. Jean Dupéy, je pense qu'il a écrit ça avant 30 minutes, le Vigneault, là. Ça se peut, tu sais. Mais en même temps, il y a des décennies de travail de développement de son artisanat qui fait que, oui, il peut pondre un chef-d'œuvre comme ça en très peu de temps. Je sais, moi, j'étais à Petite-Vallée en 2011, puis il y avait Lisa Leblanc qui avait fait la cohorte qui était de l'année d'avant, mais qui était revenue faire un spectacle. Et je me souviens d'être comme sur la petite terrasse, là, puis on était tous un peu un lendemain de brosse. Puis là, je la vois arriver vers midi, là, un peu les yeux plissés dans le soleil, puis elle dit « Ouais, j'ai écrit une tourne un matin, ça s'appelle « Ma vie, c'est de la merde ». Puis j'ai fait, elle a écrit ça un matin, OK, mais on le sait pas, nous. On le sait pas que c'est ce que ça va devenir, cette affaire-là. On fait, ah, OK, elle a écrit ça, c'est le fun. Puis, mais quand je l'ai entendu plus tard, j'ai fait, OK, j'ai assisté à un moment historique. Dans ma vie, quand on me demande, as-tu assisté à un moment historique? Je dis, oui, j'étais sur une terrasse, puis j'ai vu quelqu'un arriver, puis je dis, oui, j'ai écrit ça un matin. Okay. Je vois le temps qui fait, Émile, puis j'aimerais te parler de Force Océane aussi. Oui. Un mot sur la chanson, parce que c'est un bel hommage aux femmes que tu écris. C'est hashtag MeToo, mais avant. Ben, en fait, de moi, Force Océane, ça a été écrit, j'ai écrit ça de 2014 à 2015. Là, je ne savais pas ce que ça allait devenir. Au début, il y aurait eu de la place pour que ce soit une grosse chanson avec un gros rythme en dessous. Puis, à force de travailler, elle, tu vois, je me suis dit, elle va être dépouillée. Elle va être en forme de slam avec presque, tu sais, à peine un soutien de musique en dessous. Mais encore là, ça, c'est une chanson qu'il a fallu que je vérifie en spectacle plusieurs fois pour me dire, est-ce que j'ai le droit de chanter ça? C'est à moi de faire ça. Ouais. Puis, parce qu'avant d'être encore là dans l'éditorial, j'avais envie que ce soit un truc sur le poids démesurément gros. Le poids indu que portent encore les femmes sur leurs épaules aujourd'hui. Autant sur le plan de l'apparence, que sur le plan des conventions, que sur le plan de la job, que sur le plan de la certaine pression, tout ça, je me disais, j'avais envie d'être sur le. De lancer une espèce d'appel à. Hey, j'aurais le goût, comme si je m'adressais à une amie, là, de dire, hey, enlève ça de tes épaules, je t'en supplie. T'sais. Puis, ça me fait de la peine d'avoir raison. Quand je relis le texte, ça me fait de la peine de me dire, oh, un jour, elle ne sera plus d'actualité. Cette chanson-là, elle va être désuète. Elle ne servira plus à rien. Sauf que là, je pensais que ce serait plus bientôt que ça. Mais quand je l'ai écrit, moi, mettons, c'était avant. Il y avait Obama, puis on se disait, oh, ça va être Hillary Clinton. Mais je me disais, oh, ben, là, ça ne donne rien même que je fasse ça sur un disque. Là, ça, quand le disque va sortir, ça va être rendu Hillary Clinton qui va diriger le monde. Là, fait que ça va être un petit peu. Ça va être désuet. C'est ça que je me disais. Et puis c'est étonnant parce qu'aussi, là, je ramène un autre de tes talents d'acteur. Tu joues présentement Édouard Bolduc, le mari de la Bolduc. Ouais. C'est quand même étonnant que tu étais dans ce personnage-là. Le personnage d'Édouard est quand même pas un précurseur là, parce qu'il subissait la gloire de son mari, quand même. De sa femme, oui. Et il était à ses côtés, mais je sais pas si... tu peux nous en parler un peu? Non, c'est ce qu'on va. Qui était peut-être humilié, qui était. Comment il a vécu ça? Le vrai gars, pour vrai, je n'y ai pas demandé. Non, mais c'est-à-dire que. Je me suis employé à. Je me suis employé à jouer à l'Édouard Bolduc du scénario. Moi, d'abord, moi, je suis parti de ce que Frédéric Ouellet a écrit, puis je dis OK, on y va, on fait ça. Puis moi, je veux dire, j'ai lu un peu, mais il y avait des récits un peu contradictoires. Tu sais, les gens qui ont connu ce gars-là, c'est pas une figure historique, ce monsieur-là. Non, mais. Fait que, bon, donc, moi, je suis parti du personnage qui était dans le scénario, mais oui, je me suis dit, cet homme-là, quand même, a été au. C'est comme s'il a vécu avant tout le monde des changements, des grands bouleversements, mais c'est des bouleversements qui allaient secouer le Québec 20, 25, 30 ans plus tard. Écoute, lui, du jour au lendemain, il ne peut plus travailler pour des raisons. Là. Il y a un événement là, très précis qui fait qu'il n'est plus en mesure de faire vivre sa famille. Et sa femme, non seulement sa femme sort de la maison pour aller travailler, mais sans faire de la musique, dans le monde du musical, ça marche. Elle devient une star, elle se met à gagner beaucoup d'argent, plus que lui en a jamais fait. Là, c'est comme. C'est complètement. Ça vire la vie à l'envers. Là. Si ta fonction d'homme, c'est de faire vivre ta famille, travailler, puis être un chef de famille. Non, plus. Non, tu dis, non, il n'y a pas de modèle, mais tu t'es quoi si ta femme gagne plus que toi à ce moment-là? Lui c'est. Moi, je me disais, c'est intéressant de jouer un homme en perte de repère. Puis c'est pas un mauvais yard, c'est juste quelqu'un qui ne sait pas comment et qu'il n'y a personne autour de lui qui vit cette affaire-là. Alors ça, c'était intéressant à jouer. Et en même temps, je me dis, c'est drôle parce qu'on va dire, c'était cette époque-là, c'est un réflexe d'une autre époque. Mais aujourd'hui, là, autour d'une bière, là, il va en avoir des gars qui vont avouer, après deux, trois bières, mettons, qui vont dire, ah, moi, je serais pas à l'aise que ma blonde gagne plus que moi. Encore en 2018, là, il y a du monde qui vont dire ça. Puis je me dis, OK, il y a quelque chose du. C'est loin. La Bolduc, ça parle d'un Québec qui est loin, mais y est-tu vraiment si loin que ça? Oui, il y a des affaires qui ont changé pour de bon, je pense, mais il y a le vieux relent, un vieux réflexe en dessous qui est pas encore mort. L'histoire est longue à changer. C'était une grosse fin de semaine pour toi. Tu étais en spectacle au Grand Théâtre. Oui, mais la Bolduc, c'est fini. Je ne vais pas le faire tous les soirs. C'est enregistré. Je veux dire, c'était la première hier au cinéma. Je ne veux pas briser tes illusions, mais pour vrai, c'est enregistré. C'est fait. Puis là, j'ai pas me dédoublé du tout. Mais il y a les tapis rouges, puis tout ça. Mais non, c'était un peu sportif de faire la promo tout ça en même temps que tout. Mais en même temps, moi, ça m'a fait du bien, même quand j'ai revu le film. Ça a fait OK, oh oui, de voir la Bolduc, Madame Bolduc, elle n'aimait pas ça qu'on l'appelle la Bolduc, mais de voir Mary Travers partir en voiture avec ses musiciens, puis avec sa troupe, puis aller faire rire le monde qu'on avait besoin, puis en même temps, aller faire rire, mais elle leur raconte des affaires tragiques, elle leur raconte leur propre vie, en fait. Tu sais, c'est une grande leçon. C'est ça, la leçon. C'est à quoi qu'on sert, nous autres, là, à faire ça. C'est à pas juste tendre un miroir, mais aussi, comment je dirais, donner de la valeur à ce qui, à ce qui est vécu. Même si on peut penser que c'est banal, si tout d'un coup c'est mis dans le contexte d'une chanson bien faite, ça peut mettre des mots sur des souffrances, des inquiétudes, des désillusions et aussi des espérances. Alors je me dis, ben ok, elle a compris ça. Elle aurait peut-être pas intellectualisé de même, mais c'est ça qu'elle faisait. Puis je me disais, ben oui, là, c'est ça qu'il faut faire. On peut le faire dans tous les styles musicaux, mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce qu'on le fait une dernière fois? Est-ce que tu le fais une dernière fois? Je te donne le choix. Est-ce que tu préférais Aimer les monstres ou Mondo? Qu'est-ce que vous voulez? Tu en as parlé tantôt de Mondo. Puis, Moi, je l'aime beaucoup aussi, Mondo. Hein? qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il y a une demande spéciale? Mondo. Alors, Suzanne a parlé. Mondo. Suzanne a tranché. Suzanne étant une fidèle admiratrice. Alors, le temps qu'Émile s'installe, je vous rappelle que vous écoutez le Radioton de CKRL. Venez nous voir en studio. Philippe Braque s'en vient. Soyez généreux. Donnez vos dons. Sont importants pour nous. 88-640-25-75. Voilà. Merci pour les années. Comme ça, t'as choisi de tout fermer. Toi, t'haïs ça quand on t'ostine. Moi, mon dos vaut plus cher que ton usine. Des soirs, je suis rentré tellement cassé. Des soirs, je suis rentré tout dépassé. Des soirs, je me sentais devenir une machine. Mais mon dos vaut plus cher que ton usine. Toute une vie à bout de nerfs, j'en ai oublié d'aimer. Toute une vie à me taire, j'en ai oublié de rêver. Toute une vie à me dire qu'il sera toujours ben temps de vivre plus tard. Hommage à celui qui prend ma place. Quand ben même c'est un enfant quelque part en Chine. Son dos vaut plus cher que ton usine. Émile Proulx-Cloutier, merci beaucoup, Émile. Ce soir au Grand Théâtre, il reste peut-être quelques petites places. Mais je ne sais pas quand on revient à Québec, fait que c'est là, c'est ce soir. C'est là que ça se passe, mais tu pars en tournée après, j'imagine. Sinon, on ira à Montréal. Merci beaucoup pour avoir pris une heure de ton temps avec nous, le Mont de Cambronne, pour ce soir. Restez là, Philippe Braque s'en vient dans quelques minutes. Vous êtes au Radioton de CKRL, tout le monde. Merci beaucoup, merci à tous.